Salut à toi qui fais semblant d'être un elfe et bienvenue sur les podcasts Outsider. Donc aujourd'hui un nouveau podcast Game Design Jeu de rôle et le sujet c'est un sujet un peu marronnier et pour autant qui est très très fertile. C'est qu'est-ce qu'on ressent quand on lance les dés? Alors déjà oui, qu'est-ce qu'on ressent en jeu de rôle quand on lance les dés? J'ai essayé de lister un petit peu quelques émotions. Souvent on va relancer on va ressentir de l'excitation, de la peur avant de lancer le dé, la peur du résultat, de la joie quand le résultat nous est favorable, de la colère quand c'est le contraire. Des fois une espèce de la surprise, des fois un gros mélange de tout ça, notamment quand on obtient le fameux fumble. Moi, j'ai un souvenir d'une campagne de space opéra un petit peu foutraque qui a été faite par un auteur amateur qui avait mélangé un peu toutes les références de la SF. Et donc, dans l'arsenal à la disposition des personnages, il y avait notamment l'œuf surprise. L'œuf surprise, donc, c'était une espèce de gros flingue. Voilà un gros flingue qui était copié sur le gros flingue qu'il y a dans le cinquième élément, donc qui faisait énormément de dégâts, puis qui faisait tout, de toute façon il faisait aussi presse purée. Et donc il y a un moment crucial, un des joueurs essaye de tirer avec sur un monstre, et là c'est le fumble, et donc l'œuf surprise lui pète à la gueule, quoi. Oh, je sais plus, enfin, il y a eu des dégâts absolument monumentaux. Et bon, je pense qu'il y en a plein, il y en a plein comme ça, hein, des histoires de fumble. Dans le site, le domaine de Saladin, d'ailleurs, est quasiment dédié à ça, à raconter ce qui se passe sur un fumble. Et donc, voilà, il se passe plein plein de choses dans notre cortex au moment où on lance les dés, et notamment ça a trait à un phénomène que Millikarboss appelle le bleed. On va aussi retrouver sur comment dans le GN appelé sous le terme de pervasivité. Voilà, c'est dur à prononcer. Hein, Victor, c'est assez balèze quand même. Nous, on manipule du concept, hein, on manipule des gros mots et tout. Et ouais, c'est comme ça, on jargonne. Le bleed, ça veut dire un petit peu saignement, ça veut dire saignement en anglais, hein. C'est en fait quand les émotions du personnage contaminent la joueuse et vice-versa, quand les émotions de la joueuse contaminent le personnage. Je trouve que justement le bleed, ce sentiment de bleed de ne faire qu'un avec le personnage, il est assez prononcé justement au moment où on lance les dés. J'ai en tête, hein, le mouvement que je pouvais avoir quand je lançais les dés, si j'avais un personnage qui avait une hache ou une épée. C'est-à-dire, je faisais un grand mouvement de la main pour mimer le coup que j'allais donner tout en lançant les dés, quoi. Bon, je vous avoue, je suis pas hyper fort pour faire la différence entre bleed in et bleed out, quoi. Bon, en plus, il y a certains auteurs, comme Fabien Ilvine notamment, un peu Greg Pogor aussi, qui vont dire que le personnage n'existe pas, quoi. Donc, bon, c'est du coup, partant de là, comment faire la différence entre les émotions du personnage et de la joueuse, comment savoir qui contamine l'autre, c'est difficile. Le bleed, du coup, c'est un peu un truc, tu sais que tu y es quand tu y es, quoi. Et notamment quand tu lances les dés et que tu tiens très fort à ce que le résultat soit favorable, il y a de bonnes chances que tu sois en bleed. C'est-à-dire que t'es au taquet derrière ton personnage, tu veux à tout prix qu'il réussisse. Alors ça peut être lié, hein, à ce que Frédéric Sintès appelle la combativité. Puisque bon, c'est ces deux phénomènes qui sont, c'est pas la même chose. On va dire que la combativité, justement, c'est le fait de te battre pour ton personnage. Et quelque part, le bleed, c'est un moment où justement, à force de te battre pour ton personnage, de lancer les dés pour lui, eh bien, tu rentres vraiment en connexion avec ton personnage. Donc c'est, on va dire, c'est des trucs qui entrent en synergie, hein, mais c'est des concepts qui restent différents, quoi. Le fait, quand on a justement un point de mécanique qui fait qu'on a les mêmes émotions que son personnage, alors les mêmes émotions, hein, c'est toujours distancié, hein, par exemple dans Johann Scipion, dans La Revue Sombre, quand il parle de ressentir la peur, Il explique bien qu'on ressent pas la peur comme peut ressentir son personnage. Si le personnage a en face de lui un serial killer avec une tronçonneuse, le personnage, je pense qu'il a vraiment les jetons. Le joueur, il a un peu les jetons de son personnage, mais c'est évident, c'est forcément distancié, quoi, hein. La véritable communion d'état d'esprit avec le personnage, elle est sinon impossible, au moins, on va dire. Indésirable, hein, parce qu'on rentrerait quelque part dans un rapport malsain avec le jeu de rôle aussi. Donc, quand on a un point de mécanique qui permet comme ça d'entrer en connexion avec son personnage, de ressentir les mêmes émotions, Frédéric Sintès parle de synesthésie. Alors, la synesthésie, c'est un terme de biochimie, on va dire, quoi, hein. C'est quand c'est les personnes qui soit parce qu'elles ont des caractéristiques mentales qui font que, hein, notamment les autistes, soit parce qu'elles ont pris des drogues, comme par exemple du LSD. Une personne qui est en synesthésie, c'est une personne qui elle reçoit un signal, par exemple de la musique, et elle va l'interpréter avec un autre sens. Par exemple, elle va toucher la musique. Elle va voir la couleur de certains sons et ainsi de suite. Donc bon, Frédéric Sintès en fait importe un terme de la biochimie et quelque part quand il s'en sert pour le jeu de rôle, ça veut dire quelque chose de un peu différent. Bon après on voit l'analogie, hein. Moi j'avoue que je préfère un peu le terme de synchronicité que je trouve un peu plus clair. Et si on cherchait un terme encore plus simple, je dirais raccord. C'est quand on est raccord avec son personnage. Et du coup, raccord, ça désigne à la fois un sentiment. Et là, je suis raccord avec mon personnage. Et quelque part aussi, ça désigne un point mécanique, hein. Donc les dés font raccord entre la joueuse et le personnage, quoi. Je vous renverrai à une conférence de Jérôme Larrey pour Orchidée qui s'appelle La narration par la mécanique, où justement, bon, honnêtement, hein, c'est Jérôme Larrey qui m'a sensibilisé à cette question de qu'est-ce qu'on ressent quand on lance les dés. Je voulais en parler dans le podcast sur l'immersion et je crois que j'ai un peu oublié. Donc, du coup, c'est un petit peu une session de rattrapage. Donc, dans la conférence, il parle par exemple, en fait, le dé, c'est quelque chose qui est à la fois. Hein, en fait, c'est un peu la troisième force. C'est-à-dire qu'il y a les joueuses, il y a le MJ, donc avec chacune qui font des. Leur pro et le dé, c'est la troisième. Chacune qui vont annoncer, provoquer des événements dans l'aventure. Et le dé, bah, c'est un peu la troisième force. Une force un peu arbitraire, un peu. On va dire impartial, inhumaine, et qui va amener, bah, qui va trancher les situations, quoi. Le dé a parlé, hein, comme disait Jules César, Alea jacta est, les dés sont jetés, hein, ou comme dit Éric Antoine, le magicien aussi, hein, les dés sont jetés. Voilà, une fois que les dés sont jetés, eh bien, c'est trop tard pour se dédire, que ce soit du côté MJ, que ce soit du côté joueur, ça y est, t'as porté ton attaque, t'as jeté les dés, maintenant il faut s'en remettre au résultat. Les dés sont là en fait pour apporter du concret aussi, hein. Et donc par exemple, Jérôme Larrey expliquait donc dans sa conférence, si tu maîtrises un scénario d'enquête et tu veux confier aux joueuses un indice qui est vraiment important, et que tu veux que les joueuses comprennent que cet indice est important, plutôt que de leur dire bah voilà, vous trouvez tel indice. Tu leur fais faire un jet de fouille, d'enquête, de psychologie, de ce que tu veux. Et si elles réussissent, tu leur donnes l'indice. Et là, pour elles, l'indice, c'est du sérieux. Parce qu'elles l'ont gagné, en fait. Elles l'ont gagné en jetant les dés. Donc, et entre guillemets, il y a une sorte de contrat qui est passé entre MJ et joueuse. C'est que si, si je suis censé avoir réussi au dé, t'es censé me donner quelque chose de solide, t'es censé me récompenser. Une réussite, c'est une réussite. Donc si tu me donnes un indice, bah il faut pas que ce soit une fausse piste ou que ce soit un indice tout nul. Alors bon, on verra que ce contrat, il peut être aisément, enfin, on peut aisément mettre des gros coups de canif dessus, hein, parce que des indices qui mènent vers des fausses pistes obtenues sur des jets de dés, on en a déjà vu, on en verra encore, hein. Parce que du coup, en plus, on peut jouer avec ça. On peut jouer avec ça. J'interroge un suspect qui croit vraiment, qui croit être le coupable, juste parce qu'il a une maladie mentale, je sais pas quoi, mais c'est pas lui le coupable. Je réussis mon jet d'interrogatoire, le suspect me dit ah oui, j'avoue tout, je suis le coupable et tout. Bon bah t'as fait une réussite. Hein. Le suspect t'a dit, ce que tu demandais, c'était que le suspect te dise la vérité. Le suspect il t'a dit ce qu'il pensait être la vérité, c'est-à-dire qu'il est coupable. Donc bon, après il y a plein de, comment il y a plein de, on peut voir les choses différemment, c'est-à-dire que normalement, si la joueuse a réussi son jet d'interrogatoire, elle devrait entendre à la fois le témoin dire qu'il est coupable et comprendre par son attitude que la personne affabule. C'est ça aussi l'arbitraire du dé et puis le sacré du dé qui est de une réussite, c'est vraiment une réussite et un échec, c'est vraiment un échec. Alors on a vu des systèmes comme Lady Blackbird dire bah non en fait il n'y a jamais d'échec parce qu'un échec c'est l'aventure qui s'arrête donc en fait quand c'est un échec c'est pas un échec c'est une réussite avec une complication. Bon ok mais on garde quand même toujours la différence entre réussite et échec parce que je suis désolé une réussite avec complication c'est pas une réussite pure quoi il y a bien une différence quoi. Après, on pourrait en débattre hein, sur l'idée de est-ce que l'échec c'est la fin de l'aventure? Moi, je suis pas 100% d'accord. Enfin, je l'ai été longtemps et puis je commence à rétropédaler sur le sujet. Déjà parce que justement, parler de pour atteindre en fait cette émotion forte quand on jette le dé, il faut qu'on sache que l'échec c'est une option. Une fois que tu as compris que, bah en fait, si tu foires, c'est juste que tu vas te prendre une condition ou que ceci, cela, enfin, qu'il va y avoir une petite complication ou que la péripétie va avoir une péripétie en plus, hein, tu perds un peu de ce sentiment de risque. Et du coup, tu perds de l'excitation quand tu jettes les dés. Bon, après, les systèmes. Je vois deux. Enfin, pour les systèmes à réussite et complications que j'ai expérimenté, il y a Légende de la Garde, où là tu te prends de, notamment, tu prends des complications, tu te prends aussi des états, genre t'es aggravé, malade et tout. On sent quand même l'attrition. Hein. Bon, les réussites et complications, ça fait quand même mal aux fesses en général, quoi. Et puis Lady Rossa que j'ai testé, les complications, c'est généralement au niveau narratif, c'est tellement là, ça fout tellement la merde. Que c'est pareil, tu sens quand même l'adversité, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais renvoyer aussi un article de Sébastien Delfino qui s'appelle Jeter les dés ne me suffit plus. Alors, c'est une longue série d'articles, et on va dire que grosso modo, c'est une longue série d'articles sur le gameplay. Ou grosso modo, c'est une façon de dire, bon, voilà, si le gameplay d'un jeu de rôle, ça se limite à faire des jets de compétences, je suis désolé, mais j'en veux plus. Alors, mon interprétation personnelle, ma conclusion à la lecture de ces articles, j'avoue, je ne les ai pas en tête complètement, puis ils sont vraiment très très longs, il y a plein de bonnes choses, donc moi je vous invite à les lire. C'est que oui, bien sûr, jeter les dés, ça ne suffit pas. Pour autant, jeter les dés, c'est la porte d'entrée dans le gameplay des jeux de rôle avec dés. Donc tu peux avoir, en fait, tout, souvent, tout le gameplay du jeu va être inféodé au fait qu'on lance les dés. Donc ça veut dire que tu ne peux pas négliger dans ton game design. Justement le dé quoi, du moment que tu as décidé d'en mettre. Hein. Encore une fois, hein, moi je veux dire, la moitié des jeux que j'ai designés, ils sont sans dé. Ou avec des cartes, ou avec aucun hasard, ou avec des jetons. Donc, bien sûr qu'on peut avoir du fun sans les dés. Mais bon, là en l'occurrence, le sujet du podcast, c'est de parler des dés. Justement, c'est de montrer la spécificité du jeu de rôle avec dés, qu'on comprenne d'ailleurs un petit peu pourquoi il y a autant de jeux qui utilisent des dés. Hein. Moi, je me rappelle à l'issue d'une partie de Arbre, il y a un des joueurs qui me dit, ah bah si j'avais su qu'il n'y avait pas de dés dans ton jeu, je serais pas venu parce que pour moi, un jeu de rôle sans dés, c'est pas un jeu de rôle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que la personne elle est bornée dans ses concepts et que bien sûr que je pense qu'elle comprend bien que ça reste un jeu de rôle même s'il y avait pas de dés parce qu'on jouait un rôle tout ça machin quoi. Mais je pense que ce qu'elle voulait dire c'est que il n'y avait pas justement tous les sentiments qu'il y a quand on lance les dés. Le dé, c'est le symbole du contrôle que tu peux avoir sur ton dessin. Du coup, c'est le symbole de l'agentivité. En l'occurrence, arbre, c'est avec un système de prix à payer. Tu veux faire quelque chose, il faut en payer le prix. Donc, t'as un rapport à l'agentivité qui est très très très différent. L'intérêt du dé aussi, en tant que favoriseur de la combativité, notamment Frédéric Synthèse, c'est que c'est vrai qu'il y a la possibilité de l'échec, mais il y a la possibilité de la réussite, mais qui ne te coûte rien, quoi. C'est-à-dire que si tu réussis ton jet de compétences, non seulement tu réussis, mais ça t'a rien coûté, t'as pas perdu des points de vie pour réussir tes dés, t'as pas dû perdre un être cher, tout ça. Et donc il y a un sentiment de victoire franche et nette. Et donc quand tu joues pour défendre ton personnage, il est évident que tu vas chercher ça, ou au moins tu vas chercher une possibilité de ça. Parce qu'encore une fois, si la victoire franche et nette, elle est assurée dans tous les cas. Mettons que je te file une épée de personnage, toutes tes compétences te sont à 100%, n'y a aucun intérêt à lancer les dés, c'est évident. Donc, encore une fois, on renvoie à la notion d'incertitude, de risque. Alors, il y a. Je renverrai à un truc assez compliqué, bon, mais pour ceux qui aiment bien se plonger dans des choses un peu scientifiques, un peu théorie des jeux, Risque et incertitude de Frank Wright. Alors, on m'avait invité à lire, je l'ai lu, j'avoue que je me rappelle plus de quoi ça parle. Mais je pense que c'est important. Et puis honnêtement, sur tous ces trucs d'excite, de qu'est-ce qu'on ressent quand on lance les dés. Effectivement, ça c'est de la théorie des jeux. J'avoue que je suis vraiment en manque de bagages sur le sujet. Donc moi, je vais vous parler de choses empiriques, du feeling. C'est juste mon expérience de joueur, de game designer. Ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, si vous voulez creuser, je vous ai donné quelques références et puis vous allez voir quoi. Il y a Julien Delorme qui avait fait un article sur les dés. Et donc qui commence par... Alors en plus, comment l'article commence par dire, ouais, les dés, c'est un truc de joueur tradit, moi je suis au-dessus de ça, machin. Et puis il repasse par toutes les étapes de son histoire de joueur, par la collectionnite des dés, par effectivement tout le rapport mystique un peu au dés. Il par la redécouverte de certains dés oubliés, tels les dés 12 qu'il a redécouverts en jouant à Inforenza et aux dodécaèdres. Là où on voit l'importance aussi de la forme du dé, c'est vrai que je trouve le dé 12 par exemple, il a un côté un peu mystique, zodiacal. Et donc c'est pas innocent qu'on le retrouve à Inforenza, dodécaèdre aussi. Je crois que c'est aussi valable dans Néphilim. Hein. Il y a une mystique du D12, je trouve, par exemple. Mais bon, c'est vrai que les dés, ça nous renvoie un peu à la numérologie aussi. Et pour finir, surtout la conclusion de l'article qui m'intéressait, c'est qu'il finit par dire. Mais ben aujourd'hui, en fait, finalement, j'aime toujours autant les dés, mais j'aime autant l'échec que la réussite. Une façon de dire qu'en fait, ce qu'il aime dans les dés, c'est l'incertitude, justement. C'est que les dés vont apporter de la surprise, quelque chose que ni la joueuse, ni le MJ n'ont anticipé. Bon, après, quand t'as un jet de dés binaire, échec, réussite, c'est facile d'anticiper, hein, t'as que deux. Mais bon, quand même, même si tu peux prévoir toutes les issues, tu as quand même cette notion d'incertitude. Il y a des systèmes de jet de dés qui sont suffisamment byzantins pour que ce soit difficile de prévoir toutes les issues possibles. Inforenza, par exemple, il hein, y a quand même bon. Inforenza, ouais, en grosso modo, tu as une notion de. Tu peux avoir des réussites normales, des échecs. Des réussites excessives. À côté de ça, tu as des dommages collatéraux, des bonus collatéraux, ainsi de suite. On a un résultat en fait qui est très très compliqué quoi. Donc vraiment c'est vrai que chaque dé en fait va être générateur de chaos et va complètement bouleverser la situation. Dans Mille Voix Mantra, quand tu jettes le dé, en fonction de comment tu es proche ou loin du seuil des réussites, on va se référer à une matrice qui va donner un résultat. Donc tu peux avoir une blessure douloureuse selon comment tu peux mourir, tu peux slider dans un univers parallèle. Alors les blessures douloureuses en plus c'est des thèmes, donc tu peux avoir une blessure en forêt, une blessure en nature, une blessure en ruine, enfin c'est un peu c'est très très baroque. Et en fait là si on veut on est dans ce que j'appelle le dé oracle. C'est-à-dire que voilà, c'est le dé qui détient la vérité. On a des faits qui sont. Et c'est typiquement la table aléatoire. Tiens, ah ben je trouve un coffre, j'ouvre le coffre pour savoir ce qu'il y a dedans. Et là, on jette sur une table aléatoire pour savoir ce qu'il y a dans le coffre. En plus, il y a des tables aléatoires de pièges, tout ça, machin. Hop, table aléatoire sur les serrures, quoi, pour savoir si elles sont piégées, ainsi de suite, pour le contenu du coffre. Du coup, on a des faits qui sont quantiques, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas lancé le dé, on ne sait pas si le trésor dans le coffre existe ou n'existe pas, si le piège existe ou n'existe pas, quelle est sa nature exacte aussi, quoi. Et donc ça, bah voilà, c'est tout le potentiel du dé oracle. Alors, je vais regarder si ça enregistre bien parce que j'avais un petit problème de batterie. Ouais, c'est bon, ça enregistre toujours. Ça va. J'ai pas parlé dans le vide comme un gros crétin. Et donc on a toute la superstition hein, qu'on va constater autour des dés. Alors vous connaissez, hein, je pense que vous avez tous les joueurs qui ont le dé qui fait les scores haut, le dé qui fait les scores bas, les joueurs qui font des séries de lancers pour démagnétiser leurs dés avant la partie, ainsi de suite. On ne prête surtout pas ses dés, hein, donc il y a une notion de mojo, quoi, un petit peu. Hein, mes dés portent mon mojo, je te les prête pas parce que tu vas les pourrir, quoi. Et ça, on va retrouver par exemple dans la tauromancie, on ne prête jamais son jeu de tarot, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un y touche ton jeu de tarot, ton jeu de tarot, c'est comme s'il était foutu, hein, sa capace. C'est un truc, je crois que le jeu de tarot, il faut dormir avec, il y a tout un rituel pour magnétiser un petit peu son jeu de tarot pour être en raccord pour le coup. Vous voyez, la notion de raccord, du coup, je l'aime bien parce que il y a la notion qu'il faut être raccord avec ses dés, quoi, dans la mystique du dé qui est importante, hein. Moi, ce que j'ai souvent fait, c'est secouer les dés dans ses mains quand on a une brouette de dés, souffler dans les dés pour, bah, pareil, faire raccord, leur donner une partie de soi, hein, et souffler dans les dés, c'est-à-dire je donne mon souffle vital aux dés. Et là, s'il n'y a pas vraiment une notion de raccord, d'incarnation, enfin d'être raccord avec son personnage, je sais pas ce qu'il y a, quoi. Quelque part, la mystique du dé, elle va être très proche de la mystique de la feuille de personnage, quoi. Quand on renverse du coca sur ta feuille de personnage, eh ben, tu peux le vivre comme un outrage, hein. C'est parce que on a aussi cette notion de raccord. Moi, je me rappelle pour des lancers de dés vraiment cruciaux, on se mettait à genoux et on les jetait par terre en fait pour que ça roule le plus longtemps possible en fait. Plus voilà, c'est un bon jet de dés, il fallait que les dés ils roulent 3 mètres avant de donner leur résultat quoi. Et souvent en fait quand tu jettes le dé et qu'il roule pas, c'est pas bon quoi. Un jeu pousse justement ce raccord, cette notion de mouvement, le pousse assez loin, c'est Friday Night Zombie, puisque dans Friday Night Zombie, il y a une cible sur la feuille de personnage, et en fait, quand tu jettes les dés, le résultat du dé a bien sûr une importance, Mais ce qui a aussi une importance, c'est qu'il faut que tu jettes les dés sur ta feuille de personnage, et plus tu auras, plus le dé s'est rapproché en fait du centre de la cible, et plus tu as de la chance d'avoir une réussite critique. Et donc là, pour le coup, en termes de game design, c'est bien trouvé, hein, parce que tu vas faire intervenir, en plus de la chance de la joueuse, tu vas faire intervenir son adresse, donc il y a vraiment une notion de raccord qui est très forte, notamment si on fait le jet de dés sur une action physique. Alors bon, vous aurez peut-être le sentiment que je parle tout le temps de combat. Quand je parle du jet de dés, c'est vrai que je pense que mentalement, l'idée, c'est que quand on jette les dés, il y a vraiment la notion de ouais, d'action physique, hein, qu'on va surtout, c'est surtout important pour les actions de combat, des actions justement où le corps du personnage est en jeu, sa santé est en jeu. Mais pour autant, pour qui sait placer les enjeux narratifs ludiques dessus? Il est évident que tout jet de dés peut être crucial, hein. Il y a l'approche chaque jet de dés compte, où on jette les dés que quand c'est très important. Alors quand on jette l'approche chaque jet compte, elle est justement là pour garder cette émotion du dé intacte. Eh bien, on va éviter de lancer les dés pour des actions à la con, genre négocier le prix de la bière. Non, non, on jette pas les dés pour ça, quoi. On les garde pour les trucs où, pour les enjeux forts, quoi. Et du coup, si tu peux faire un jet de dés pour un jet de diplomatie, qui met l'enjeu, peut être très très très fort, hein. Il peut y avoir des vies en jeu, comment l'avenir d'un territoire, l'avenir d'un personnage. Donc le raccord, on va y être aussi plein dedans, quoi. Et peut-être que du coup, les moulinets de bras que la joueuse va faire quand elle va jeter le dé, ça va peut-être un petit peu les moulinets de bras de l'orateur, quoi, hein, du personnage orateur, quoi. On va utiliser cette mystique du dé pour faire raccord aussi dans tous les jeux où on aura des personnages qui sont des manipulateurs de chance. Qui font une pratique, une sorte de magie du karma. Alors, par exemple, dans Inflorenza, il y a deux, comment, finalement, il y a deux magies karmiques qui sont accessibles au personnage de base. La première, c'est que quand tu fais une réussite excessive, tu peux finalement la transformer en, t'as le droit de la transformer en échec et pour acheter un pouvoir. Donc première chose en fait où finalement on ignore, on triche par rapport au résultat du dé. Et la deuxième qui est plus manipulatoire du coup, c'est que une fois qu'on a un pouvoir, qu'on fait le comment, qu'on jette les dés et qu'on obtient un échec, on va pouvoir changer un des scores pour transformer l'échec en réussite excessive. Et donc du coup, je le fais de temps en temps, on est invité à le faire, si tu vas carrément manipuler le D12 en fait, pour transformer le score, quoi. Tac. On a aussi la notion, toujours dans Inflorenza. Alors, juste, je fais un petit aparté là. Je parle beaucoup de mes jeux. Souvent, dans ce podcast, je vais en parler pas mal. J'en parle dans tous les podcasts, je parle souvent de mes jeux. Pourquoi je le fais? Alors, c'est pas uniquement pour vous convaincre d'acheter mes jeux par brouette entière, hein. Enfin, si, si, évidemment, achetez-en des palettes, offrez-en à tes amis, ta famille, ta grand-mère, fais-la jouer à Inflorenza, et tous mes jeux sont parfaits, sont géniaux. Ça, là-dessus, on est bien d'accord. Bon, ceci dit, si je parle beaucoup de mes jeux. Et je pense que beaucoup de game designers, quand ils font de la théorie, le font aussi. C'est pas uniquement pour se faire mousser, c'est tout simplement parce que nos jeux, bah, c'est souvent les jeux qu'on pratique le plus, hein. Moi, à peu près 8 à 9 parties sur 10, c'est avec un de mes jeux, parce que le playtest, bah, finalement, me prend beaucoup de mon temps de jeu. C'est aussi les jeux sur lesquels on réfléchit le plus, hein. Voilà, c'est évident que mon temps de réflexion consacré au jeu de rôle, il est essentiellement consacré au game design sur mes jeux. Remarquez finalement ces podcasts, ces réflexions théoriques générales, c'est finalement une respiration où j'essaye de penser aussi à d'autres jeux. Et du coup, c'est des jeux, nos jeux, bah, c'est des jeux qu'on connaît le mieux. Et donc là, quand on parle de quelque chose de très vraiment dans le ressenti de ce que produit une mécanique, là, tel le sujet de ce podcast, c'est évident que c'est sur mes jeux que je connais le mieux le ressenti. Je vais avoir du mal de te parler de qu'est-ce qu'on ressent quand on lance les dés sur un jeu auquel j'ai jamais joué ou que j'ai juste entendu parler à travers un article ou un podcast, quoi. Bon, en plus de ça, je sais pas si j'ai déjà dit, mais je suis pas forcément quelqu'un qui a une connaissance ludique faramineuse, quoi, hein. Je suis pas un grog ambulant. Ma bibliothèque de jeux, en plus, j'en ai redonné beaucoup. Donc ma bibliothèque de jeux, là, actuellement, j'en ai une dizaine. Voilà quoi, j'ai dû maîtriser peut-être une quinzaine. Allez, on va dire sur toute ma carrière, peut-être entre 20 et 30 jeux différents, et encore la plupart de ces jeux, ils ont juste eu le droit à un one shot. Hein. Donc voilà, j'en ai pas lu beaucoup plus que j'en ai joué. Le reste, après, c'est une connaissance un petit peu des jeux de réputation, parce que j'ai écouté des podcasts ou j'ai lu des articles qui en parlaient, donc j'ai un petit vernis sur le jeu. Donc il y a aussi un moment, il y a peut-être aussi une vraie sincérité à parler de ces jeux et à parler de ce qu'on connaît vraiment bien, quoi. Voilà, hein, les rares jeux auxquels j'ai le plus joué que mes jeux perso, c'est l'Appel de Cthulhu, Warhammer Quest et HeroQuest. Bon, bah, c'est pareil, je vais pas non plus en parler en boucle. Alors, oui, je reviens à Inforenza, hein, du coup, après m'être longtemps excusé d'en parler, j'en parle. Dans Inforenza, toujours dans cette idée de magie karmique et de raccord avec. Eh bien, on peut faire un conflit contre la réalité, quoi. Bon, c'est-à-dire que tu peux jeter le personnage peut jeter les dés, enfin le personnage, le joueur, mais le personnage peut désirer en fait que les choses que la réalité soit d'une façon ou d'une autre, quoi. Par exemple, j'ai n'importe quoi, le personnage mène une enquête. Et il rencontre une personne et il dit, putain, je sens que cette personne, c'est l'assassin. Alors tu peux demander un jet de dés pour savoir qui est l'assassin. Mon objectif, c'est savoir qui est l'assassin. Mais généralement, on ne le fait pas comme ça. C'est plutôt, généralement, ce qu'on fait, c'est que dans Inforenza, ce que j'ai remarqué, c'est conseillé par le jeu, c'est proposé en tout cas. C'est que tu vas jeter les dés, et si tu. En disant. Dans Inforenza, c'est la joueuse qui précise ce qui se passe si elle réussit le jet de dés. Et donc la joueuse peut jeter les dés en disant, si je réussis, c'est effectivement cette personne, l'assassin. Donc là, en fait. Et si on veut, c'est pas. Ça peut paraître méta en disant, ouais, bah là, du coup, c'est vraiment la joueuse qui jette les dés. Mais Inforenza est un jeu très magique, et en fait, c'est vraiment aussi. On peut le sentir comme étant. C'est le personnage qui désire tellement fort que cette personne-là soit l'assassin, parce qu'il en est convaincu, parce que ça l'arrange, ou n'importe quoi. Et bien que, effectivement, c'est lui qui va influer sur la trame de la réalité pour que le personnage, la personne en face soit l'assassin. Il y a un petit peu un petit effet Néo quand il maîtrise vraiment la matrice, il est capable de transformer le décor et les figurants à volonté, quoi. Autre jeu où on a de la magie karmique et justement qui passe par ce raccord avec les dés, c'est Eliwood, hein, un jeu d'Emmanuel Garbi où on joue du. C'est un jeu où on joue dans des ambiances, de l'ambiance noire, l'ambiance polar. Et on joue dans une ville qui tient autant du Chicago de la Prohibition que du Las Vegas des années 50. Et donc il y a la notion aussi de jeu d'argent, de jeu de hasard qui est très importante dans le jeu. Il y a une notion, dans Hollywood, il y a du surnaturel, il y a de la magie démoniste. Et donc en fait, il y a quelque part aussi les personnages ont essayé de tricher avec la réalité. En fait, le système de GD en plus est inspiré du craps, donc un jeu d'argent. Et donc il y a cette notion de ouais, on va tricher quoi. Et donc il y a plusieurs dans Hollywood, au moment où tu veux jeter le dé, il y a plusieurs façons de tricher pour obtenir un résultat qui t'arrange. Notamment, tu peux relancer le dé en fait, et en échange, tu vas te prendre des points de malchance en quelque sorte. Hein, ça s'appelle les fucking bastard points. Et le système de triche que j'aime le plus, c'est la roulette russe. C'est-à-dire que si y a un jet de dé qui est vraiment important, Tu jettes d'habitude, on jette 2 dés 6, puis il y a des modificateurs à la con. Là, on jette juste un seul dé. Je dis, oh bah non, j'y vais à la roulette russe sur ce coup-là, parce que c'est trop important. Tu jettes un seul dé, en fait, sur la feuille de personnage, tu vois un barillet de revolver à 6 coups, là. Et en fait, il y a les scores des D6, hein, de 1 à 6 sur chaque balle. Donc tu jettes un D6, hein, et bah, mettons que tu obtiens 5, tu barres le chiffre 5 sur le barillet. Très bien, bon, t'as réussi, hein, y a pas de souci. Tu jettes le dé à la roulette russe, tu réussis. Cependant, si tu retentes à une roulette russe plus tard dans l'aventure, donc tu rejettes à nouveau le D6, et si tu obtiens un nouveau 5, comme le 5 est barré en fait sur la roulette russe, ça veut dire qu'en fait dans le 5 il y a une balle. Ça veut dire que ouais, tu vas réussir, mais tu vas mourir. Tu as une réussite excessive, ton personnage va mourir, quoi. Alors moi, après, il faut l'expliquer dans la narration. Comment ça, mais de toute façon, généralement, quand le personnage joue un truc à la roulette russe, vu qu'il met sa vie en jeu, c'est que sans doute que sa vie était en jeu de toute façon. Hein, donc, je l'ai encore pas expérimenté. On commence seulement la campagne d'Hollywood, mais je pense que, à mon avis, quand ça va arriver la roulette russe et que ça finit sur la mort d'un personnage, on saura comment l'expliquer, quoi. Remarquez, ça permet à la rigueur de faire un petit point quand même. J'ai envoyé un article de Frédéric Sintès sur le positionnement. Où, comment, lui, il explique que pour avoir vraiment cette sensation de raccord, il faut que l'interaction entre les dés et la fiction soit fluide, naturelle, logique. Et donc, si je prends l'exemple de la roulette russe, mettons, je dis n'importe quoi. Si je jette, si j'utilise la roulette russe, par exemple, pour convaincre un agent de police de me faire sauter un PV, et j'obtiens une réussite excessive à la roulette russe, donc mon personnage est censé mourir dans cette action. Eh ben, il va falloir que, en fait, grosso modo, le MJ va dire, je sais pas, bah écoute, non seulement le flic te fait sauter un PV, mais tu meurs. Alors déjà, faut que le MJ réfléchisse. Attends, comment c'est possible qu'il meure dans cette situation? Je sais pas, le flic, c'est un barjot, il te flingue. Fait ouais, vous paierez pas l'amende, et blam, il te tire une balle dans la tête. Mais il y a quand même un problème, tu te rends compte que c'est illogique, irrationnel, ça n'a pas de. Par rapport à la cohérence de l'aventure, il y a un truc qui n'est pas cohérent qui se passe à ce moment-là, et juste après, pour respecter le résultat des dés, on a été obligé de tricoter une cohérence à la va-vite. Donc, pour certaines joueuses, ça va cramer leur impression de raccord, quoi. On se dire, ouais, là, les dés, si tu veux, ils m'ont trahi, quoi. Ils ont amené à une issue trop chaotique, trop chaotique, trop illogique. On a aussi ce reproche qui m'a été fait, hein, sur Inforenza. Dans Inforenza, quand tu as les dés t'annoncent des blessures ou des avantages, et en même temps ils annoncent un thème pour la blessure. Donc, je combats un vampire, j'obtiens une blessure en amour. Bon, bah, du coup, il faut que tu racontes que tu tombes amoureux du vampire, quoi. Et en fait, il y a certaines joueuses qui peuvent trouver que, comme on a un thème qui arrive comme ça, introduit au hasard, et qu'il faut essayer de justifier a posteriori ce que ça signifie, que ça nuit à leur sensation de raccord, quoi. Qu'il y a un problème de logique qui se fait, il faut être trop créatif, inventer, donc ça va nuire à l'immersion dans le personnage, tout ça. Alors, ce à quoi je vais répondre, faut en débattre. Honnêtement, le truc, c'est que ces problèmes de raccord qu'on peut avoir dans certains jeux sont liés à la philosophie du jeu. J'ai fait un article qui s'appelle comme ça, hein, la philosophie du jeu. Et que du coup, en fait, en général, ces notions de logique, il faut pas se raccrocher à une logique réaliste quand on joue à un jeu de rôle. Il faut se raccrocher à la logique du monde fictionnel du jeu, quoi. Et donc, il y a une notion que des fois, il faut accepter que certains mondes fictionnels, Inforenza ou Hollywood, pour ne citer que, ils aient leur propre logique. Bon, l'autre truc qui est de dire, il y a des garde-fous, hein. Dans Inforenza, par exemple, le tirage du thème, il est facultatif. Donc tu peux très bien dire, ah bah oui, ok, j'ai une blessure, et inventer la blessure de ton genre, t'es pas obligé de mettre en place le thème. Dans Hollywood, encore une fois, sur la roulette russe, je l'ai dit que on peut très facilement, entre guillemets, rendre la règle plus acceptable en disant, tu ne peux utiliser la roulette russe que si de toute façon sur le jet de dés, t'avais un danger de vie ou mort, quoi. Comme ça, là, il n'y a aucun problème de raccord, quoi. Autre phénomène de raccord que j'aime bien, c'est tout simplement le... comment? Enfin, c'est pas vraiment du raccord, c'est autre chose. C'est l'idée du gros dé, en fait. Moi, j'ai un groupe de copains. Quand je vais jouer chez eux, il y a un truc qui met en place depuis un moment qui est vachement rigolo. C'est que l'EMJ, il a un gros dé en métal et tout, un truc impressionnant. Je crois que c'était un D20. Et puis, à chaque partie, il en fait un usage particulier, quoi. Ça peut être le dé de la chance, ou le dé de la mort, ou ce que tu veux. Et la dernière fois, c'était moi qui maîtrisais. Il m'a dit, bah vas-y, jette le gros dé. Tout le monde a acheté un dé aussi. Et en fait, la joueuse qui a obtenu le résultat le plus proche du résultat de mon gros dé, il y avait un truc spécial qui lui arrivait. En l'occurrence, du coup, je lui ai imposé de tomber, son personnage est tombé amoureux d'un de mes figurants. C'était dans le théâtre Venise Noire, Venise Blanche. Hein, vous trouverez ça. Vous trouverez ça dans mes comptes rendus en biblio. Alors c'était marrant parce que dans le scénar, tous les personnages étaient déjà pris dans un hexagone amoureux. Et puis bon, bah du coup, là en plus, j'ai dit, bah toi, en plus d'être dans l'hexagone amoureux, bah tu vas tomber amoureuse d'un figurant en plus. C'était rigolo. Alors ça peut être plein de trucs, un gros dé, tu peux être un élu divin, ainsi de suite, quoi. Toujours sur la notion de... C'est la taille compte. Dans Hearthdone, dans le jeu de rôle Hearthdone, quand tu montes en compétence, c'est pas ton score qui va augmenter, c'est le type de dé que tu lances en fait. Donc les compétences où t'es un peu nul, tu auras un dé 4, un dé à 4 faces, et puis tu peux monter, avoir un dé 6, un dé 8, un dé 10, un dé 12, et pour finir un dé 20. Donc du coup, ton efficacité est visuellement matérialisée par la taille et le nombre de facettes du dé que tu vas utiliser, quoi. D'ailleurs, ça m'a rappelé le jeu de plateau Formule D où on pilote des voitures de course et en fait tu peux passer tes vitesses, quoi. Et genre, je sais plus, si t'es en première, bah, tu vas jeter le D4 pour avancer. Si t'es en sixième, tu vas jeter le D20, ou je crois que ça monte jusqu'au D30 dans Formule D. Et là, c'est pareil, on a une notion de raccord qui est vraiment importante, quoi. Autre phénomène de raccord, c'est la bourrette de dés, tout simplement, hein. La bourrette de dés, bon bah si comment, dans tous les jeux un peu aventure, je pense à Seven Seas, à Shadowrun, L5R, la légende des 5 anneaux, on te fait vampire. On te fait jeter des brouettes de dés, et ça matérialise visuellement. Plus tu jettes de dés, bah, plus t'es balèze, quoi. Ça, il y a une notion de grammaire. Du coup, il y a quelque part un langage chiffré qui va être plus éloquent des fois que des descriptions. Bah, dans sa conférence là, la narration par les mécaniques. Jérôme Larrey en parle. Quand il avise un personnage à Deadlands en lui disant ouais, elle a l'air chouette ta carabine, et que le joueur en face lui répond oui, c'est la carabine à 8 D6. Bah finalement, il n'a pas besoin d'en dire plus. On comprend, moi-même qui ne connais pas le système d'Hearthstone, on me dit ah, c'est la carabine à 8 D6, je pense que c'est la carabine qui fait des gros trous dans les éléphants, tout ça, il n'y a pas de problème, j'ai compris que c'était un truc balèze, quoi. Autre notion, alors Souvent, bon, il y a des trucs, il y a des systèmes, comment, il y a des systèmes baroques, hein, évidemment, mais notamment quand on jette qu'un seul dé, là où on a un gros phénomène de raccord, c'est quand tu es obligé de viser un résultat élevé. Donc notamment dans les versions les plus récentes de Donjons et Dragons, c'est ça, il faut faire le meilleur résultat au D20. Le 20 naturel, c'est une réussite critique. Là, on a un phénomène de raccord qui est important. C'est ce qui est le plus intuitif. C'est ce qu'on appelle également le roll over, c'est-à-dire il faut faire un score très élevé parce qu'il faut battre une difficulté, quoi. Donc ce qu'on va retrouver dans la charte angoumoise, hein, notamment, comment qu'il y a un système de jeu de rôle simplifié où juste les joueurs lancent un dé contre une difficulté annoncée par le MJ en fonction de la situation. Il n'y a pas de feuille de personnage ni quoi, c'est juste un dé contre une difficulté, quoi. Et donc, si le MJ estime que le personnage est très efficace dans la situation, il va annoncer une difficulté basse, quoi. Ou s'il estime que l'adversité est très sévère, il va annoncer une difficulté hausse, ainsi de suite. Et du coup, de toute façon, à la rigueur, quelle que soit la difficulté, la joueuse, ce qu'elle a compris, c'est qu'il faut qu'elle vise un score haut. D'où d'ailleurs des joueuses qui ont des dés qui font des scores hauts et des joueuses qui font des dés qui font des scores bas. Parce qu'il y a des jeux où il faut faire des scores bas. Typiquement sombre par exemple, il faut faire. Enfin, sombre c'est compliqué parce que il faut faire un score en dessous de ton nombre de points de vie actuel, donc il faut quand même faire un score bas. Mais c'est mieux qu'il soit élevé quand même. Donc c'est plutôt. Du coup, c'est pas une notion de score haut ou de score bas, c'est une notion de précision. Il faut être au plus proche possible. Du seuil de difficulté en fait, parce que si tu es juste le mieux c'est d'être pile poil dedans. Quelque part on va retrouver une notion d'adresse avec cette idée de score médian en quelque sorte. Enfin, c'est pas vraiment un score médian, c'est plutôt de score précis, quoi. Alors, ceci dit, je pense que là dans ce podcast, je vais me faire l'avocat du score haut parce que c'est ce que je trouve le plus intuitif. Ah non, c'est la... Moi, ça m'arrive de jouer avec des enfants. Clairement, je peux très facilement expliquer qu'il faut faire un score élevé. Ça, tous les gamins ils comprennent. À rigueur, Serge Lagé nous avait fait une conférence sur l'apprentissage du calcul par le jeu. Et il nous explique qu'en plus la notion de score haut, tu l'as avant même que tu saches compter. Parce que tu vas comparer le nombre de points sur le dé. Donc tu comprends que plus il y a de points sur le dé, mieux est ton score. Même si à la rigueur, tu n'as encore pas la notion de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu jettes le dé 6, tu vas comprendre que tu as fait un bon ou un mauvais score, quoi. Donc ça veut dire que la notion de score haut, notamment sur un D6, hein, où justement c'est pas des chiffres mais c'est des points, tu vas pouvoir faire jouer des enfants qui n'ont encore pas le calcul, quoi. Donc alors, pourquoi là, en quelque sorte, je suis en train de vous dire qu'il faut qu'on ait le système de dés le plus intuitif possible. La notion d'un J'enverrai un article de Grégory Pogorzelski sur l'affordance. L'affordance, c'est un principe de game design. On pourrait appeler ça l'affordance, c'est un mélange entre un système qui est à la fois intuitif d'usage et ergonomique. Et il donne l'exemple du premier niveau de Super Mario, donc assez connu pour être un modèle du genre, où il y a tout un tas de facteurs, notamment l'écran qui défile dans un sens, les points d'interrogation sur les cubes, qui font que tu comprends comment il faut jouer sans même qu'on ait besoin de t'expliquer, quoi. Alors pourquoi en game design on va rechercher le système, la mécanique intuitive, quelque chose que les joueuses comprennent sans même qu'on ait besoin de prendre la peine de leur expliquer? Et bien justement pour l'émotion. C'est-à-dire que si tu comprends tout de suite que tu as fait un bon score ou un mauvais score, tu es tout de suite dans la joie, la colère, tu as un bien meilleur raccord, en fait, si tu comprends de façon intuitive comment fonctionnent les dés. C'est beaucoup plus organique, beaucoup plus primal. Alors que si tu dois réfléchir à qu'est-ce que signifie le résultat de ton dé, s'il faut qu'on te l'explique, tout ça, machin, eh ben ça devient plus cérébral, ça devient moins dans l'émotion, quoi. Je vais te prendre un exemple. Là, y a, comment, hier, on a joué. Avant-hier. Avant-hier, j'ai rejoué à Sombre. On a joué en classique. Dans Sombre classique, tu sais, t'as un D20, un D6, t'as un système de, effectivement, au D20, il faut être précis. Le D6 va paramétrer les dommages. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est la lecture des deux dés qui. C'est les combinatoires des deux dés sont importantes, tout ça. Donc, mine de rien, pourtant Sombre, c'est vraiment un jeu très minimaliste. Finalement, la seule complexité du jeu. C'est la fameuse lecture du D20 et du D6. Bah pour autant, en fait, là, dans cette partie-là, en l'occurrence, j'avais pas pris le temps d'expliquer le D20 et le D6 avant qu'on commence à jouer. Donc, en fait, je l'ai vaguement expliqué au moment où on a dû lancer les dés, encore pas trop, j'ai juste dit. J'ai essayé d'expliquer, mais finalement j'en étais plutôt réduit à dire ouais, bah en fait là t'as réussi, t'as raté, t'as fait tant de dommages, t'as fait. Et donc, du coup, si on veut, j'ai un peu dépossédé les joueuses de la compréhension de leurs résultats, et je pense que ça a un peu nui à leur immersion, à leur émotion, quoi. Et Johan a fait une variante de Sombre classique qui s'appelle Sombre Zéro, où là, bim! Il simplifie le truc nettement, puisque il y a juste un des 6. Tu jettes le dé, si tu réussis, tu fais 1, 2 ou 3. Si tu fais 1, tu fais 1 dommage. Si tu fais 2, tu fais 2 dommages. Si tu fais 3, tu fais 3 dommages. Un personnage, il a 3 points de vie. Tac, là, je viens de te l'expliquer en 10 secondes. Et en fait, là, c'est ce que j'appelle, on a une lecture directe. C'est que ça se passe presque d'explication, en fait, le système de jet de dés. Alors, et des fois, la lecture directe, ça tient à pas grand-chose. Je vais prendre un petit détail. Le système Freeform Universal, FU, grosso modo, c'est, pour faire simple, si tu jettes un D6, si tu fais un 1, c'est non-et, c'est-à-dire, grosso modo, un échec aggravé, quoi. Si tu fais un. Et en fait, et ainsi de suite, le meilleur résultat c'est le 6, c'est un 8 et, grosso modo, c'est une réussite critique. Moi j'adore cette gradation entre non et 8 et. En plus, ça fonctionne vachement avec le D6 parce qu'effectivement il y a 6 nuances. Hein, non et, non mais, 8 mais, 8 et 8 et. Et moi, honnêtement, j'ai envie que la lecture sur le dé, ça se fasse comme étant le 1, qui est le non-et, le pire résultat possible, le 6, qui est le 8-et, le meilleur résultat possible, et en fait, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'ordre, comme ça va être du meilleur ou pire, du pire au meilleur résultat. Mais en fait, dans le FU, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les résultats à base de non, c'est sur les impairs. Donc en fait, c'est 1. Non et 3 non 5 non mais 2 c'est 8 mais 4 c'est 8 et 6 c'est 8 et. Alors le jeu te le vend en disant mais non, mais en fait c'est intuitif parce qu'on comprend assez naturellement que impair c'est plutôt négatif. Et pair, c'est positif. Ouais, c'est vrai. Mais mélangé avec la gradation, en fait, ouais, je trouve que l'intuitivité, elle est moyenne. Après, je suis d'accord qu'au bout d'une dizaine de jets de dés, les joueuses, elles ont intégré. Hein. Heureusement, il y a l'expérience qui va compenser. Hein. L'intuitivité, elle peut aussi s'acquérir avec l'expérience, heureusement. Hein. Mais je pense que si on avait fait une lecture en 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça a été beaucoup plus intuitif. Et du coup, un accès, une lecture directe, là, pour le coup, hein, Voilà. Après, le truc, c'était l'intuitivité, c'est ça le problème, c'est que c'est une notion qui est subjective. C'est-à-dire que mon intuitif, il va être différent de ton intuitif. Donc bon, bah, là, c'est de toute façon, on est réduit à c'est quelque chose d'empirique. Hein. Faut tester, faut voir le feeling des joueuses et puis faut réfléchir là-dessus, quoi. Alors, ce que je veux dire, je suis pas en train. Alors, autre truc de lecture directe que j'aime beaucoup. Et du coup, on va jouer sur le design du dé. C'est que tu peux utiliser des dés avec des chiffres, mais tu peux utiliser des dés avec des pictogrammes. Dans HeroQuest, par exemple, là, c'était vraiment intuitif. Tu jettes le dé, si tu fais une tête de mort, ça veut dire que tu fais des dégâts. Si tu fais un bouclier, ça veut dire que tu te défends. Parce qu'en fait, on a des jets de dés d'attaque et des jets de dés de défense, mais on utilise les mêmes dés, quoi. Et si tu fais un bouclier noir, c'est la défense, mais pour les monstres. Bah, c'était vachement intuitif, on aurait pu avoir le même truc avec avec des scores, c'est-à-dire que en fait les dommages c'est sur 1, 2, 3, les défenses du héros c'est sur 4, 5, et les défenses des monstres c'est sur 6. Mais tu comprends que tu vois, toujours refaire la conversion d'un chiffre en type de résultat. C'est une opération mentale qui est compliquée. Et HeroQuest, c'était un jeu qui était quand même designé pour être joué par des enfants. Moi, j'ai découvert il y a 9 ans, quoi. Et il y a un vrai, pour le coup, l'emploi de pictogrammes sur le dé, ça, c'est un vrai truc d'intuitivité. Mouseguard, moi, j'ai acheté la version complète avec la boîte, j'ai tout. Il y a des trucs qui sont pas forcément très utiles, comme les gros jetons tête de souris. Bon, j'ai encore eu du mal à trouver leur inutilité en jeu. Mais par contre, ce qui est très utile, c'est les dés Mouseguard, puisque tu as, grosso modo, dans Mouseguard, si tu veux, tu peux jouer avec des D6 de base. Tu sais que, je crois, alors de mémoire, c'est 1, 2, 3, c'est un échec. 4, 5, c'est 4, 5, c'est une réussite. Et 6, c'est une réussite excessive, une réussite critique de mémoire. Mais en fait, ce qui est bon avec les dés Mouseguard, c'est qu'il y a des pictogrammes. T'as un serpent pour les échecs, une épée pour les réussites et deux haches pour les réussites critiques. Là, c'est pareil, l'intuitivité, elle est bonne. Et ça, c'est important en plus de rajouter de l'intuitivité dans le système à brouette de dés, où en fait, il faut cumuler des réussites. C'est quand même moins intuitif qu'un seul dé, tu vois, où tu dois faire un bon score, quoi. Ah, il faut que t'aies X réussites. Là où je vois, il y a des systèmes qui compliquent la chose. Dans Vampire, en fonction du jet de dés, des fois, tu ne voudras pas faire le même nombre de réussites. En plus, la réussite ne sera pas toujours sur le même seuil de difficulté. Des fois, les réussites, c'est sur 6. Des fois, c'est sur 8, et ainsi de suite. Arrêtez-moi si vous dites des bêtises parce que ma mémoire me dit dans l'oreillette que c'est possible qu'à Vampire, le seuil de difficulté il soit variable uniquement sur le nombre de réussites que tu dois obtenir, mais que c'est toujours le même chiffre qu'il faut faire. Du coup, je sais plus. Mais en tout cas, imaginez s'il y a déjà une variable, je trouve que ça rend les choses un peu bizarres, un peu floues, quoi. Deux variables, c'est compliqué, quoi. Sur les dés à pictogramme. Aujourd'hui, on peut, même si vous avez votre jeu de rôle amateur ou que vous avez un jeu de rôle du commerce mais qu'ils n'ont pas fourni de dés à pictogramme, vous pouvez vous les faire. Soit utiliser des gommettes, hein, ce qu'on fait pour sombre, des gommettes de couleur, ça marche nickel. Soit vous faites une commande sur un site spécialisé, c'est-à-dire que vous dessinez vous-même les pictogrammes sur vos dés. Hein. Q Workshop notamment, il y a un site qui le fait, je pense qu'il y en a d'autres. Si vous êtes auteur de jeu et que vous commercialisez votre jeu, enfin vous le diffusez en tout cas, je pense qu'il y a moyen. Je comprends que vous n'ayez pas envie de raquer, d'acheter vous-même 50 sets de dés personnalisés pour les revendre peut-être un jour. Mais je pense que vous devez pouvoir fabriquer un patron que les joueuses vont réutiliser pour faire leurs propres commandes personnalisées. Il y a moyen y a moyen de bricoler. Des fois, je me dis qu'une Forenza, pour le coup, où il y a effectivement trois types de scores possibles, aurait sans doute gagné à avoir des D12 Des D12 personnalisés, quoi. Un set de D12 avec les types de scores, échec, réussite, réussite excessive, et un autre set de D12 pour le tirage de thème, donc avec 12 faces différentes, une face par thème. Si vous m'écoutez, que vous êtes fan d'Inforenza, que vous aimez bien faire du design, franchement, sentez-vous libre de créer votre propre patron qu'on puisse utiliser pour faire une commande sur QU Workshop ou votre propre modèle pour faire de l'impression 3D de dépersonnaliser Inforenza. Je rappelle que Inforenza est dans le domaine public, donc vous avez le droit de le faire et moi juste ça me fera méga kiffer. J'ai pas le temps ni les compétences de le faire moi-même, donc si jamais vous voulez faire pour moi, mais je vous fais des bisous partout, quoi. Donc où est-ce que je veux en venir avec le fait que je vante, la lecture directe, qu'il faut que ce soit simple, intuitif, pas trop de maths, tout ça? Est-ce que je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir des complexes? Par contre, ce que je veux dire, c'est que si vous avez une lecture de dés complexe, il faut le faire que si ça apporte vraiment quelque chose. Je sais que dans Inforenza, bon voilà, j'ai mis une lecture de dés complexe, mais c'est parce que l'idée c'était d'avoir que chaque action avait des conséquences profondes et chaotiques. Bon, pareil, dans Mille Vaux Mantra, il y a une. Comme on est sur un jet de précision où il faut être le plus proche possible du seuil de difficulté, et avec en fonction de ton éloignement du seuil de difficulté, ça renvoie à une matrice avec des résultats plus ou moins chaotiques. Donc là, on a pareil. L'idée, c'est que le résultat du GD est ultra chaotique. Cette sensation de chaos, elle est importante. Déjà, elle procède de l'ambiance du jeu, et aussi, c'est une gros, ça nourrit complètement l'improvisation, c'est-à-dire que. Honnêtement, à Mille Vaux Mantra, je suis très content du jeu dans le sens où je peux arriver en n'ayant rien préparé. Juste à partir de la création de perso, dès le premier GD, je sais que ça va partir dans des situations complètement baroques, complètement dingues. Si je rajoute des tables aléatoires derrière, ça va être juste la folie, quoi. C'est quelque chose que j'adore, quoi. Donc j'ai une complexité de GD, mais elle me sert à quelque chose, quoi. Et si donc, effectivement, vous avez jugé bon. D'avoir une complexité de dés, eh ben il va falloir tout miser sur l'apprentissage des règles. Moi, ce que je vois à Inforenza, c'est que les parties commencent à être vraiment bonnes, vraiment intenses, vraiment cool, quand j'ai en face de moi des personnes qui ont compris les règles. C'est-à-dire que tu peux, ouais, tu peux. On peut jouer avec juste le MJ ou la personne qui est facilitatrice qui connaît les règles et à chaque fois, en fait, à chaque GD, elle explique à la joueuse, bon bah là, attends, on va voir, d'après ta fiche de personnage, tu peux jeter tel dé, tu dois avoir visé tel score, machin, tu dois faire tant de réussites, truc. Bon bah là, t'as jeté les dés, ok, bah ton résultat, c'est une réussite excessive, mais avec une complication et un échec à scrutin rotatif. Et donc ça veut dire que dans la fiction il se passe tel truc. Tu vois, il peut y avoir une personne. Bon, déjà, pour le facilitateur, c'est quand même un putain de boulot d'expliquer à chaque fois à la joueuse, à chaque GD, ce qui se passe. Et en plus, la joueuse, elle est vraiment coupée de son émotion, quoi. Parce que finalement, le truc qui est le plus impliquant, qui est de jeter le dé, quoi. Qui est le truc le plus, un des trucs les plus primals qu'on peut avoir en jeu de rôle, au niveau du raccord, quoi. Et c'est important ce raccord à l'émotion, au personnage, parce qu'on n'est pas dans un jeu vidéo, on voit pas son personnage, on n'est pas dans un GN, on n'est pas costumé comme son personnage, on n'est pas dans un jeu de société, il n'y a pas de pion, ni de figurine, ni rien, quoi. On est complètement dans l'imaginaire, et finalement, le GD, c'est le seul moment un peu physique de l'aventure. Alors si en plus je t'en dépossède, parce qu'en fait tu ne bites rien à ce qui se passe quand tu jettes les dés et que c'est une personne extérieure qui doit toujours tout expliquer, là on est dans l'abstraction totale. Et bon, après, il y a des personnes qui aiment bien l'abstraction. Moi, j'adore l'abstraction. J'ai écrit un jeu qui s'appelle Inflorenza Minima, où il n'y a absolument aucun dé, ni même aucune mécanique visible. On est tout le temps dans la narration. Je joue en ligne, donc on n'a pas de mise en jeu du corps, tout ça. Je vois même pas les autres joueuses, quoi. Je vois que leurs avatars. Donc, on peut jouer dans l'abstraction totale, mais il faut bien comprendre que tout ce que tu peux rajouter de physique, tu rajoutes d'émotion, quoi. Et quelque part, le jeu de rôle, c'est un type de jeu où on est allé complètement vers l'abstraction, vers l'imaginaire. Et des fois, le dé, c'est le seul support physique, c'est le seul endroit de raccord qui reste. Comme j'ai dit au début du podcast, c'est ta seule porte d'entrée vers le gameplay rôliste. Ça veut dire que le facilitateur, il faut qu'il mise tout sur l'apprentissage des règles. Le jeu, il doit tout miser sur l'apprentissage des règles. Inflorenza, je me suis fait chier, j'ai fait des tutoriels dans tous les sens. J'ai fait une partie replay, j'ai fait des parties enregistrées où j'explique les règles à chaque fois. Parce que c'est hyper important que chaque joueuse connaisse les règles. J'ai fait un petit résumé des règles. Mais bon, je ne suis pas le seul, hein. Il y a plein de jeux qui le font, hein. Sur les dragons de poche, numéro 1, sur la feuille de personnage, sur chaque compétence, c'est expliquer les dés qu'il faut lancer, ce que ça fait, machin, ceci, cela, quoi. Le problème des fois, c'est qu'on a des joueuses qui sont rétives aux explications de règles. Pour des raisons de bah non, mais ce qui compte c'est l'aventure, je m'en fous des règles. Pour des raisons de ce qui compte c'est de jouer ou d'être avec les autres et j'ai pas envie de me compliquer la tête à comprendre les mécaniques. Tu vas m'expliquer, tu vas faire résoudre pour moi et ça se passera bien. Je fais partie, je peux avoir, quand je suis joueur, je peux avoir ce profil-là. Que ce soit en jeu de rôle ou en jeu de société. Quand le MJ il passe une demi-heure avant de jouer, il passe une demi-heure à m'expliquer les règles, j'écoute pas parce que ça m'ennuie. Et du coup, j'attends qu'on soit devant le fait accompli pour comprendre un peu et tout. Mais je suis en train de rétropédaler là-dessus. Je pense que la joueuse, elle serait quand même bien inspirée de faire un effort pour comprendre à un minimum ce que font les dés. Pour justement se raccorder à cette émotion, quoi. Parce qu'en fait, elle perd un truc essentiel. Moi, je sais que j'avais une joueuse à DK System. On a fait une campagne, on a dû jouer 12 séances. À la 12e séance, c'était encore à lui expliquer comment le nombre de dés qu'elle pouvait lancer, quoi. Bah, je pense que c'est une personne qui a perdu beaucoup de l'émotion du jeu. Bon, j'espère qu'elle a trouvé son bonheur ailleurs. Je pense que c'est une joueuse sociale, donc quelque part ce qui l'intéressait c'était aussi d'être avec les gens. Et puis il y avait des moments de l'aventure qu'on jouait en narratif pur, il n'y avait pas trop de jet de dés, et c'était ça qui l'intéressait, quoi. Mais bon, avant de prendre la décision en tant que joueuse, avant de prendre la décision de dire je m'en fous des règles, je vais laisser les joueurs gérer ça, réfléchissez-y à deux fois. Et pesez bien dans la balance ce que vous gagnez et ce que vous perdez en émotion, justement. Alors je reviens sur la lecture directe. Ce qui nuit à la lecture directe, on a dit, c'était les difficultés variables. C'est pour ça dans Apocalypse World, par exemple, tu as une lecture directe dans le sens où tu sais que quel que soit l'obstacle en face de toi, si tu fais 6 ou moins, c'est un échec. Si tu fais entre 7 et 9, c'est une réussite mitigée. Et si tu fais au-dessus de 10, c'est une réussite. Bon bah partant de là, au moment où tu jettes les dés, tu sais très exactement à quoi t'attendre, donc t'as accès direct à l'émotion. Dans Inflorenza, alors c'est là où c'est subtil aussi, dans Inflorenza il n'y a pas de notion de seuil de difficulté. C'est juste il faut obtenir une réussite. Et quelque part, on verra que la difficulté dans Inflorenza, c'est pour ça qu'on a un système, un peu complexe, un peu baroque. Finalement, la difficulté, elle est un peu proportionnelle à l'importance que tu accordes à ton adversaire. Plus ton adversaire, tu le détestes, plus tu veux gagner contre lui, plus tu vas être tenté de lancer beaucoup de dés, et donc du coup d'avoir plus de chances de vaincre ton adversaire, mais avec une réussite excessive. Parce que dans Inflorenza, plus on jette de dés, plus la probabilité de réussite excessive augmente. Toi, mon petit Victor, je pense que tu vas avoir droit à un biberon. Je te prépare ça. Le truc contre-intuitif aussi que je trouve. Enfin, alors, donc, il y a l'intuitivité, si on veut. Il y a l'intuitif et il y a l'immédiateté, c'est autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un combat. S'il faut 5 jets de dés avant de savoir si oui ou non les gars en face de moi ils se couchent, ou au moins, enfin, au moins savoir si j'arrive à placer mon attaque, quoi. Ben, l'émotion, tu vois, comment, je sais bien que le désir s'accroît quand les fesses se reculent, mais bon, quand même, l'émotion, je pense que tempère un peu, quoi. Donc, s'il y a un jet de dé pour l'initiative, un jet de dé pour réussir ton buff avant l'attaque, un jet de dé pour attaquer, un jet de dé pour les dommages, un jet de dé pour esquiver l'attaque adverse. C'est pareil, ça c'est une complexité. Si tu l'introduis dans ton jeu, il faut que derrière t'aies comment? Il faut que derrière ça t'apporte vraiment quelque chose. On peut simplifier ça. Dans Brigandine, par exemple, il n'y a pas de dés d'attaque et des esquives. C'est les comment? Les, je crois que les figurants jettent pas les dés. Tu jettes les dés d'attaque. Si tu foires ton attaque, eh ben c'est toi qui te prends l'attaque du figurant. Voilà, point. Et 6. Mais je pense qu'on pourrait aller, on pourrait aller plus loin encore. Hein. On pourrait dire, bah quelque part c'est un peu dans Sombre Zéro. Il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas d'esquive, c'est-à-dire que toutes les attaques sont simultanées et tu peux pas parer l'attaque de ton adversaire. Ou alors tu la pares que si ton adversaire il a raté son jet de dé finalement. Donc on a juste. On a juste un jet de dés quoi pour comment pour un round de combat, c'est un jet de dés par joueuse quoi. Et on peut aller encore plus loin en se disant bah à la rigueur on fait une moi je travaille là-dessus en ce moment sur Grogne. On peut en plus faire un combat par conflit parce que dans Sombre Zéro c'est la résolution par action. C'est-à-dire que là, dans le combat, tu vas tuer ou blesser ton adversaire, quoi. Mais on peut faire une résolution par conflit, c'est-à-dire qu'on se dit l'objectif, c'est qu'en un round, le combat, il est fini. Ou en tout cas, on a passé une étape principale, c'est-à-dire que tu fixes comme objectif, bah, moi j'attaque pour tuer, et on sait que si tu réussis ton jet de dés, tu tues, quoi. Tu peux attaquer pour blesser, attaquer pour immobiliser, ça c'est toi qui choisis, hein, évidemment quoi. Donc là c'est quelque chose, je travaille là-dessus. Avec Pogor, il y a un article pour dire que les conflits c'est pas bien, parce qu'en fait gérer une bataille entière avec un seul jet de dés, et ben là quelque part, là aussi tu perds ton émotion parce que. T'imagines, c'est vrai que dans Inforenza, par exemple, on peut gérer une bataille entière en un jet de dés. C'est de la résolution par conflit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun dit ce qu'il fait. On jette les dés. Et puis les dés nous disent si c'est réussi ou si c'est raté. Et puis on raconte a posteriori comment ça a pu se passer, quoi. Ou on raconte pas d'ailleurs. Et du coup, soit il y a une partie de la bataille et tu sais pas ce qui s'est passé. Ou alors tu sais ce qui s'est passé, mais a posteriori, quoi. Tu racontes plutôt que de le jouer. Et donc la critique qu'il avait envers ça, envers la résolution par conflit, c'était que bah Je suis dépossédé d'une partie de l'aventure, quoi. Je suis pas à vivre l'instant, quoi. C'est vrai que la résolution par round, on vit plus l'instant. Dans Grogne, j'essaye de gérer ça en disant que ouais, c'est une résolution par conflit, mais c'est parce que tu peux faire un jet de dé pour tuer, mais en même temps, ça veut dire que tu as tué en un coup, quoi. Donc on perd pas en granularité de l'action, quoi. On perd pas en détail d'action, quoi. Mais par contre, on gagne en rapidité, quoi. Cette notion de jet de dé immédiat, de jet de dé rapide, de chaque jet de dé compte. Ça, c'est un truc qui a introduit à la fois. Je pense c'est un truc qui est amené par nous, entre guillemets, game designer, trentenaire. Moi, en plus, maintenant, je suis parent. Il faut qu'on joue avec des créneaux de jeu très courts. Moi, alors là, j'ai une problématique qui est que quand je joue, par exemple, en Hangout, je peux même pas trop jeter les dés parce que je suis loin de mon écran. Je suis avec le micro Bluetooth en train de m'occuper du bébé. Et donc les jets de dés, il faut les limiter, il faut que chaque jet de dés il apporte un truc vraiment intense, quoi. Mais en réalité, ça c'est un truc qui peut être réutilisé. Moi je sais que j'ai tendance à dire que je design pour des étudiants. C'est-à-dire que j'ai en tête le profil que j'avais quand j'étais moi-même étudiant, c'est-à-dire qu'on était fauché, on avait beaucoup de temps pour jouer. Donc c'est pour ça que je fais des jeux qui sont gratuits. Et que j'essaye de faire des jeux qui sont, bah, pas tous, hein, mais par exemple avec Inforenza, j'essaye de faire un jeu qui soit profond, c'est-à-dire qu'il y ait une grosse rejouabilité. Mais le fait de faire un jeu profond, mais quand même avec un chaque jet de décompte, tout ça, qui soit quand même intense, bon, je renvoie au podcast Intensité et Profondeur, c'est que nous, quand on était étudiants aussi, on jouait beaucoup à la sauvette. C'est-à-dire qu'on jouait entre deux cours, pendant la pause de midi, on jouait même pendant les cours, on utilisait la calculatrice scientifique pour faire les jets de dés, quoi. Donc à l'époque, notamment, on jouait à l'appel de Cthulhu, et c'est vrai que l'appel de Cthulhu, bah, je trouve qu'en termes d'intuitivité, il est robuste. Je veux dire, c'est quand même. T'as rien besoin d'expliquer, quoi. Le score de pourcentage, tac, t'as le dé à 100 faces. Bon, bah voilà, si t'es à 70% en tir, bah, il faut que tu fasses en dessous de 70 pour tirer, quoi. C'est hyper simple et en plus on peut gérer des situations très facilement. Du coup, nous pour jouer comme ça entre deux portes, c'était top quoi. Hein. Pour faire du jeu persistant comme ça à la sauvette, c'est top. Hein. Donc c'est pas finalement c'est un mode de jeu qui s'adresse à deux profils différents. Puis bon à tous, hein, parce que même si tu as la rigueur, tu sais quoi, si tu joues, si toi ton habitude de jeu c'est jouer sur des week-ends entiers, ouais ok t'as un créneau de jeu de 48 heures non-stop, mais à la rigueur pourquoi pas faire 48 heures intenses où il se passe vraiment plein de trucs. C'est pas parce que t'as 48 heures que tu dois passer 46 heures à bâiller sur des jets de dés chiants qui servent à rien et des calculs dans tous les sens quoi. Alors si tu peux le faire, mais il faut que ça et un véritable intérêt. Bon, je trouve par exemple Shadowrun, qui a quand même un système un peu compliqué, je trouve qu'il a un intérêt parce qu'il y a plein de possibilités tactiques, il y a un univers de ouf qui est déployé par les jets de dés, tout ça. Comment il y a une immersion qui est proposée, donc bon, ok, ça vaut le coup de se palucher les règles. Tac. Là où j'en viens aussi avec le système de dés intuitif, et là on a vraiment dans le raccord, c'est qu'il y a deux parties où j'ai observé ça, et ça m'a vraiment marqué. Une partie jouée à Midi Donjon avec des enfants. Le gamin, il veut agir, il te demande pas, MJ, est-ce que je peux faire ça? Il dit, ouais, je fais ça, je tape le monstre, je tape l'aubergiste. Ouais, généralement, les gamins, c'est taper, hein, surtout l'interaction principale, le gameplay principal des enfants, c'est taper. Hein. Enfin, c'est mignon, hein. Mais c'est vrai que, surtout quand ils découvrent le jeu de rôle, leur première expérimentation de la liberté d'action, c'est de voir, bah, est-ce que je peux taper les ennemis? Et puis, tout va être des ennemis, hein, l'aubergiste, la princesse, voilà. ils vont les taper, quoi. C'est pour voir que, pour tester un peu le monde, quoi. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que je voyais les mômes qui, ils disaient, ouais, bah, moi, je veux agir. Et il lance le dé en fait, il lance le D6. Toi, il te demande pas est-ce que je peux agir, il te demande pas c'est comment c'est des difficultés, machin, tout ça. Non, il lance le D6 quoi. Là, on a un raccord total quoi. C'est il y a zéro temps de calcul entre j'agis, enfin, je prends la décision et je jette le dé quoi. Et comment. À Influenza, je l'ai vu aussi avec un joueur. C'est quand j'ai commencé à inférer une chose, c'est qu'au début à Inforenza, il fallait justifier ces jets de dés. C'est-à-dire que ta feuille de personnage, c'est une série de phrases qui racontent l'histoire de ton personnage. Tu peux jeter autant de dés que tu as de phrases qui sont en lien avec le conflit en cours. Donc si tu combats le chevalier noir, si tu as un dé qui dit que tu détestes le chevalier, si tu as une phrase qui dit que tu détestes le chevalier noir, ça peut t'apporter un dé. S'il y a une phrase qui dit que tu as une épée, ça t'apporte un dé, et ainsi de suite. Et puis. Comment quand je suis arrivé à ce stade de test d'Inforenza, j'avais compris que je pouvais dire aux joueurs. Au début, je demandais toujours à la joueuse de justifier comment ça pose 2 dés. Ouais, ok, alors rappelle-moi quelle faute. Ok, t'as 4 dés, mais c'est lié à quelle phrase? Quelle phrase te permet d'avoir 4 dés? Alors que déjà à l'époque. C'est la joueuse qui était entièrement maître de l'interprétation de sa phrase. Elle pouvait avoir une interprétation de la phrase ultra tarabiscotée, ultra optimisatrice, c'était pas grave, elle avait le dé. Le MJ, il pouvait pas lui interdire. Déjà, ça, c'est un facteur quand même d'intuitivité. Le fait qu'on n'ait pas. Parce que plus tu as d'échanges, dit MJ, est-ce que j'ai le droit d'avoir un dé pour cette phrase, machin, pour cet aspect, ce trait, cette compétence, machin, oui, d'accord, machin. Hein, plus tu as de validation, plus ça prend de temps. Hein. Donc, déjà, le fait que la joueuse elle soit souveraine. Sur comment sur le choix de la compétence à utiliser tout ça qu'elle soit autonome en fait sur le nombre de dés qu'elle a, ça rapporte du raccord, ça rapporte de l'intuition tout ça. Et donc ce que je vois à Inforenza en fait, c'est donc une fois que j'ai expliqué aux joueurs que ils pouvaient très bien fabriquer leur boîte de dés sans expliquer à personne de quelle phrase ça venait. Déjà, il y avait deux phénomènes de raccord. C'est-à-dire que quand tu vois, il y a une action et tu vois une joueuse qui sort 5 dés, 6 dés, tu sais qu'en fait, là, tu comprends, tu le sais, parce que tu as vu dans Inforenza, on joue sans aparté, sans secret. Donc, tu comprends déjà par l'aventure qui s'est passée qu'effectivement, là, on est sur une action ultra importante pour la joueuse. Et en fait, tu le visualises vachement, plaf, tu vois la joueuse, elle avance, sa pile de 5 dés, quoi. Mais surtout, ce que j'ai vu dans une partie que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai retrouvé le même truc qu'à Mini Donjon, c'est que j'avais un joueur, il voulait agir, c'était dans l'intuition. On jouait sans tour, sur Inforenza, tu peux jouer par tour. Mais là, on jouait sans tour. Et là, le joueur, dès qu'il voulait faire un truc, tac, il comptait ses dés, ça lui prenait 30 secondes. 30 secondes, ça lui prenait 3 secondes, parce que c'était quelqu'un qui était quand même habitué à manipuler la mécanique. Ça lui prenait 3 secondes, et il jetait ses dés en fait. Il dit, ouais, je fais ça, blam, il jette les dés. Et ça, c'était top, parce que il y a vraiment, encore une fois, le raccord est ultra puissant quand t'as. Je décide d'agir, je jette les dés. T'attaques, et s'il se passe 0 seconde entre les deux, c'est ça qui est le mieux. Enfin, ça c'est ça qui est le mieux quand tu cherches une relation de raccord forte, hein. Évidemment quoi. Alors, ceci dit, à Inforenza, moi j'ai constaté que ça posait des problèmes par rapport au principe des règles qui sont dans Inforenza. Avant de jeter les dés, tu dois expliquer ce que tu cherches vraiment à obtenir. C'est-à-dire, il suffit pas de dire je frappe. Il faut dire je frappe pour tuer mon adversaire ou je frappe pour permettre aux réfugiés de s'enfuir, ainsi de suite, quoi. Et là, si tu veux, le joueur il chantait cette étape, quoi. Il disait je frappe, quoi. Il jette les dés, je frappe. Et du coup, il fallait qu'on définisse l'objectif après. Et ça a changé complètement les rapports de force, les tensions, quoi. Et l'autre problème qu'il y avait, c'est que dans Inforenza, quand quelqu'un fait un jet de dés, n'importe qui peut s'opposer au jet de dés, quoi. Et le problème, c'est que Lui, là en plus on était parti sur du PVP, il dit bah grosso modo il dit à la joueuse adverse bah je te frappe quoi. Et donc il jette les dés. Et en fait la joueuse avant de pouvoir prendre la décision de est-ce que je me défends ou pas, elle sait déjà le résultat que son adversaire a obtenu. Dire, ah oui bah là tu vois comment tu sais qu'il a il t'a frappé avec trois réussites. Donc si tu veux réussir à défendre, il va falloir que tu fasses trois réussites. Et en fait ça changeait aussi le côté un petit peu pari qu'il y avait dans Inforenza où en fait on était ouais là je suis tu vois l'adversaire qui va lancer 4 dés combien tu essaies d'accumuler de dés face à lui quoi. Sachant que plus on lance de dés, plus on a un risque d'avoir des réussites excessives. Donc il y a un petit, y a un petit. Donc du coup, ça changeait complètement l'économie du jeu et toute cette notion de gambling. Hein. Gambling, c'est le gambling, c'est bah, c'est le pari. C'est-à-dire que quand tu vas, tu essayes d'estimer tes chances de réussite, mais c'est comment le système est trop compliqué ou trop opaque pour que tu aies puisses avoir une estimation parfaite. Et là, en fait, il y a beaucoup de gambling dans Inforenza, justement, vu que le système est un peu baroque. Bon, après, avec un peu d'expérience, le gambling est limité. Moi, Inforenza, comme j'ai beaucoup joué, je sais que à partir de si je lance 4 dés, je suis sûr de réussir à 80, 15, 99%, quoi, grosso modo. C'est possible d'échouer, mais ça devient très limité en termes de stats. Je sais que si jette plus de 4 dés, je suis sûr de faire une réussite excessive, mais qui va vraiment me coûter très cher. Donc je sais que grosso modo, l'optimum de dés, c'est 4 dés, et encore pour des conflits assez peu cruciaux, il vaut mieux se limiter à 3 dés. En disant là, j'augmente un peu les chances d'échec, mais je suis quasiment sûr de ne pas avoir une réussite excessive qui me coûte trop cher. Donc là, bon, en l'occurrence, la façon dont il jouait, c'était génial d'un côté, mais ça changeait complètement le gambling à Inforenza. Parce que déjà, quand tu sais que ton adversaire, ce qu'il a obtenu comme réussite, c'est un peu plus, t'as un peu plus d'informations, quoi. Je vais essayer là. Donc, je travaille sur Grogne en ce moment, on refaire un hack d'Inforenza et dans l'idée de, on va séparer les dés en fait. On jette plus des, on est effectivement sur. J'attaque. Déjà, en fait, je vais prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire. On va revenir sur l'idée que c'est une fois que tu as réussi que tu définis ton objectif. C'est-à-dire que tu dis que tu t'attaques ton adversaire et si tu réussis, eh ben, tu le fais ce que tu veux, effectivement. Tu peux l'immobiliser, tu peux le tuer. Ça, c'est à ta volonté. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir ça en avance. L'autre truc, c'est que je vais. Je vais mettre en place un système d'escalade. C'est que on va jouer un round en fait, ça va être un conflit. Tout le monde jette les dés en même temps à peu près. C'est-à-dire que si tu veux attaquer, bah, tu jettes les dés contre tel adversaire. Si l'adversaire annonce qu'il défend, tu vois, toi t'as jeté 2 dés. L'adversaire annonce qu'il défend et tu vois jeter 3 dés. Bah, tu peux dire, ah bah tiens, bah finalement, j'augmente mon attaque de 1 dé, de 2 dés, sachant qu'on a. Augmenter son attaque, c'est pas sans risque, hein, évidemment, puisque comme on est sur du hack d'Inforenza, plus tu jettes 2 dés, plus tu as des chances d'avoir des réussites excessives. Tu peux du coup aussi séparer en fait ton axe. Tu peux aussi séparer ton round entre plusieurs actions. Bah tiens, je jette. Ah bah, je vois qu'il y a machin qui m'attaque. Bah je vais jeter 2 autres dés pour l'esquive. Bon, t'as un pool maximum de 6 dés. Et puis de toute façon, c'est en fonction du nombre de phrases de ton personnage. Si ton personnage il a que 3 phrases, de toute façon, dans le meilleur des cas, il pourra jeter que 3 dés en cumulé, quoi. Et là, je pense qu'on va atteindre un bon raccord, quoi. Et puis en plus, au niveau tactique, ça va être plus fin que. Bah, c'est vrai qu'une Forenza, faire des gros conflits, ça casse un peu la tactique quand on est plutôt dans quelque chose d'abstrait. Et puis de. Ouais, on raconte comment ça se passe bien pour le personnage ou comment ça se passe mal. L'autre truc que j'avais, c'était donc dans la simplification de GD, des fois dans la recherche de simplification de GD, j'en suis arrivé à des systèmes où Par exemple, dans Epoch Absurde, on l'a aussi. Le MJ jette pas les dés. Alors ça, c'est très bien. Il y a plein de situations où le MJ pourra apprécier de ne pas jeter les dés. Notamment dans mon cas, c'est vrai quand je joue Hangout, et si j'ai pas besoin de jeter les dés, ça m'arrange parce que je suis pas forcément à côté de ma bourse à dés. Ni même à côté de l'écran pour lancer une application, quoi. Mais si on veut, on perd deux choses. Déjà, le MJ, je pense que le MJ aussi peut avoir besoin de raccord. Se sentir un peu en raccord avec ses figurants, à défendre ses figurants. Le MJ, c'est une joueuse comme les autres. Hein, c'est Jérôme Larrey qui le dit. C'est pas uniquement un truc sociologique, mais c'est un truc ludique. Je suis désolé, le MJ, il est là aussi pour s'amuser à défendre ses figurants. Et puis, quand le figurant fait un jet d'esquive, peut-être que le MJ il a vraiment envie que le figurant il esquive. Il est pas, le MJ, c'est pas uniquement un metteur en scène qui est là pour raconter de l'histoire. Pour moi, il a vraiment le droit de tenir à ses figurants et d'être investi dans son jet de dés. Hein, sérieux, quoi. Même si je sais que c'est très disproportionné dans le sens où. Enfin, ça dépend. Il y a des jeux où, de toute façon, si tu veux que ton figurant y réussisse, t'as juste à lui mettre des caractéristiques over the edge, et puis voilà quoi. Mais bon, je pense le MJ a besoin de cette sensation de raccord. Et puis, je pense que les joueuses, c'est pareil. En fait, les joueuses, elles perdent du raccord si le MJ lance pas les dés. Dans le sens où ça donne une impression que les figurants, ils sont en mousse. Les figurants, ils sont pas comme moi, ils lancent pas les dés. Je pense que quand tu visualises à la limite, quand tu combats le figurant, tu visualises le figurant comme étant immobile, voire même inexistant, abstrait. Alors encore une fois, je suis le premier à avoir fait des jeux où le MJ lance pas les dés, donc j'y trouve un intérêt certain. Mais il faut être conscient de ce qu'on perd. Donc il y a quelque chose de très organique en fait dans le fait du MJ qui lance les dés. Et là, des fois, on se dit, on avait fait un super jeu, ça s'appelait Donjons et Dragons Boîte Rouge, et après on a fait que de la merde, on a fait que casser tout ce qui était bien au départ. c'est comme ça, hein. C'est ça le problème du game design, c'est qu'on passe son temps à réparer des choses qui ne sont pas cassées. Par orgueil. Non, je plaisante, mais c'est juste que les premiers jeux de rôle, ils n'étaient pas pourris. Bon, après, on peut en discuter. Mais c'est juste qu'ils apportaient un feeling qui était particulier, qui était réussi pour ce qu'ils cherchaient à atteindre. Et que du coup, après, dans les futurs game design, on a juste développé des ambiances qui étaient différentes. Et on n'a pas fait des jeux qui étaient meilleurs, on a fait des jeux qui étaient différents. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Dogs in Vanyard, moi je suis désolé, il n'est pas meilleur que Donjons et Dragons Boîte Rouge. Il est juste différent, c'est juste une ambiance différente, un autre gameplay. Enfin, dans ces cas-là, je veux dire, c'est pas parce que Call of Duty, il y a beaucoup plus de technologie de game design que le jeu d'échecs, que Call of Duty, c'est un meilleur jeu que le jeu d'échecs. Ou le jeu de dames, ou ainsi de suite, quoi. C'est des jeux qui sont différents. Pour simplifier aussi, ce que j'ai fait des fois, c'est que j'ai fait des moments, notamment dans des jeux où je voulais, qui est un fort jeu coopératif, où c'était des actions groupées. Par exemple, la marche branche. Le seuil des réussites au D6, c'est le nombre de marches de personnages qui sont impliqués dans l'action. Donc s'il y a 5 personnages, le seuil de réussite, c'est 5 sur 6. Et il y a un seul marche-branche, il y a un seul joueur qui jette le dé. Bon, il a un rôle parce que lui, il va avoir des décisions spéciales. On considère que c'est la personne qui est un peu lead sur le conflit. Il va avoir des décisions spéciales. Mais je sais que je perds quelque chose. Je perds quelque chose. Déjà, je perds. La première chose que je perds, c'est que je perds le fait de. J'agis, je jette le dé. Parce que là, en fait, ouais, je veux agir. Attends, attends, on va voir s'il y a X joueuses qui veulent t'aider. Ok, vous êtes trois finalement. Donc, il y aura un seul jet de dé à faire. Qui jette le dé sur les trois? Ce que je perds aussi, c'est que finalement, donc on a trois joueuses par exemple qui font l'action, il n'y a qu'une seule qui jette le dé. Bah, les deux autres joueuses, elles perdent de plaisir de lancer le dé. Elles se disent, bah ouais, j'ai intervenu. C'est vrai que j'ai apporté mes forces, mes compétences à une action de groupe. Donc autant pour le jeu social, c'est super, on a joué coopératif, tout ça, machin. Mais moi, j'ai pas eu le plaisir de lancer le dé. Bon, pourquoi je l'ai fait aussi, hein, c'est pas uniquement pour favoriser le jeu coopératif, mais c'est aussi pour être, pour gagner du temps, dans le sens où, comme on se met d'accord sur une action de groupe, on se met sur d'accord sur les objectifs de l'action. Et donc, du coup, voilà, c'est parce que, par exemple, si on a quatre personnages qui combattent un grand méchant, les quatre personnages vont essayer de faire des trucs différents. Il y en a un qui voudra séduire le grand méchant, un qui voudra le frapper, le blesser, un qui voudra le faire prisonnier, un qui voudra le tuer. Si on est quatre à action groupée, hein, on se jette un seul dé, bah c'est un dé, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire. Ok, bon, bah on veut capturer le grand méchant. Donc, dans un jeu comme Marchebranche, ça avait un intérêt à la fois de fluidité et aussi quand même de dilemme moral parce qu'en fait avant de lancer le dé, eh bien les joueuses doivent se concerter pour savoir attends qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de ce grand méchant. Donc dans l'idée Marchebranche c'est un peu un jeu de choix moraux à plusieurs quoi. Donc voilà, je vous ai dit ce qu'on gagnait, ce qu'on perdait. Hein. Dans Inforenza, c'est déjà plus organique parce que c'est vrai que tu jettes pas les dés quand tu aides, mais tu vas donner les dés. Dans Légende de la Garde, je crois que c'est pareil. Enfin, je crois que dans Légende de la Garde, si tu aides, tu peux apporter un dé, deux dés. Moi, j'aime bien que ce soit pour un jeu vraiment coopératif. Dans Inforenza, par exemple, toute personne qui aide, elle apporte autant de dés qu'elle veut. En fait, elle aide à la même échelle. Que le personnage, l'actant principal. Dans Légende de la Garde, par exemple, si tu aides, je crois que tu peux apporter que un ou deux dés supplémentaires, quoi. Un dé, je crois. Donc déjà, là, je trouve que c'est finalement la coopération. Bon, certes, elle a un impact, mais elle est nettement minorée. Bon, je pense que c'est pour des raisons d'équilibre de jeu. Moi, Inforenza, j'ai pensé l'équilibre de jeu pour que ça pose pas problème, qui est comme ça, cette addition en fait des talents plutôt que juste une progression un peu plus logarithmique entre guillemets quoi. Ça apporte autre chose quoi, mais c'est vrai que ouais ok tu m'aides, ça fait juste un plus 1, tu sens pas tellement utile le mec qui aide quoi, tandis que pouvoir carrément dans Inforenza tu vas apporter autant de dés que tu veux, quoi. Il y a même une notion que tu peux trop aider, c'est ça qui est intéressant. Si tu vas apporter tellement de dés que ça va provoquer une réussite excessive. Mais là où j'ai un petit regret, finalement, c'est que dans Inforenza, tu apportais tes dés, mais c'était la joueuse, l'actant principal qui jetait tout, quoi. Donc t'es quand même dépossédé d'une partie du truc. Ouais, je t'aide, mais c'est juste, je fais le geste. Bon, le geste physique, quand même, de donner les dés, je trouvais important. Mais on perdait le geste physique de lancer les dés, quoi. Après, il y a une autre circulation dans Inforenza, c'est qu'après, on se distribue les dés de conséquence. Donc j'ai quand même... Je pense que j'ai vachement bossé le raccord dans Inforenza. Les dés n'arrêtent pas de circuler. On a un pool de 12 dés communs. Et ils n'arrêtent pas de passer de la main d'une main à une autre. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais dans Groin, par exemple, je vais changer mon fusil d'épaule, c'est que si tu aides, eh ben tu lances toi-même les dés. Quand le machin dit ok, j'attaque truc, ouais bah je t'aide à attaquer, bah pas de problème, bah, tu jettes les dés et puis vous mettez le pool en commun quoi. En plus ça va rapporter de l'intuitivité, nettement, je pense. Alors, je vais revenir à l'incertitude et le risque. Je parlais de l'intuitivité. Il y a un défaut de l'intuitivité, je pense, c'est que si tu peux trop facilement prédire l'issue du jet de dé, par exemple dans Marchebranche, voilà, le seuil de réussite, tu jettes un D6, le seuil de réussite, c'est le nombre de Marchebranches impliquées. Bon bah tu vois, enfin les probabilités, tu les lis directement, quoi. Ok, jette le dé, j'ai un seuil de réussite de 4. Bon, bah voilà, je sais que j'ai 4 chances sur 6 de réussir, quoi. Et en fait, je pense qu'on a plus de propension à prendre des risques, et aussi on a plus d'émotions quand on les prend, si c'est difficile de prévoir l'issue. Je prends les systèmes, Légende des 5 anneaux et Secret de la 7e mer. Il y a trois facteurs qui font que c'est difficile de prédire le résultat du dé. Tu jettes un pool de dés, une brouette, et en fait, tu sais que tu vas devoir en garder certains. Donc, par exemple, tu jettes 10 dés et tu en gardes 4. Et toutes les compétences et les choses que tu peux faire pour améliorer ton jet de dés, c'est soit pour augmenter le nombre de dés que tu lances, soit pour garder le nombre de dés. Alors je sais plus si la difficulté est en fait parce qu'il faut obtenir des réussites, il y a un score qu'il faut obtenir. Je sais plus si c'est un score fixe ou un score variable. Alors si le score est variable, ça complexifie encore la possibilité de prévoir ton résultat. Ah non, autant pour moi. C'est une difficulté parce qu'en fait, tu additionnes les dés que tu gardes, tu additionnes leur score et il faut battre une difficulté qui me semble est variable. Donc, une difficulté variable fait que voilà, c'est difficile de prévoir. Et en plus de ça, tu as la notion de dé explosif, c'est-à-dire que les 10 explosent et donc si tu fais un 10, tu rejettes le dé et tu peux rejeter à l'infini, quoi. Alors, je crois que dans le DK, c'était les 6 qui étaient. Tu jettes les dés de 6, c'est les 6 qui sont explosifs. Alors, il y a plus de probabilité que ça explose, du coup, c'est encore plus chaotique si on veut, quoi. Donc là, on est quand même dans Secret de la 7e mer, Légende des 5 anneaux. On est quand même sur un résultat qui est très chaotique. Hein, il est difficile à prévoir. Après, un joueur qui est une joueuse qui est bonne en stats ou en maths. Je pense qu'elle peut assez finement se sortir des. Au moins, on doit mouiller, d'avoir une petite idée du résultat qu'elle peut avoir, quoi. Des résultats qu'elle peut avoir, parce que c'est quand même des probas, donc c'est une branche de résultats. C'est-à-dire que j'ai une X chance d'avoir un tel résultat, X chance d'avoir tel autre, ainsi de suite, quoi. Et ben, en fait, si on veut. Là, il y a un phénomène de raccord. C'est-à-dire que. Même quand tu as le système bien en main depuis un moment, tu sais que tu peux optimiser tes chances de réussite en essayant de lancer plus de dés, d'en garder plus, tout ceci, cela, de peut-être d'optimiser sa situation au départ pour que ses difficultés soient faibles, ainsi de suite. Mais quand même, c'est difficile de prévoir l'issue du dé, et du coup, il y a une vraie sensation de raccord, dans le sens où le personnage en plein combat, je suis désolé. Il ne sait pas s'il va réussir à frapper. Je sais pas si vous avez déjà participé à un combat au moins sportif. Hein. Moi, je sais que j'ai fait un peu d'escrime olympique en initiation. Mais je peux avoir une idée du niveau, si tu veux, de la combattante en face de moi. Je peux avoir une idée de mon propre niveau, de mes propres réflexes. Mais honnêtement, au moment où j'essaye de faire un coup. J'ai aucune idée de est-ce que je vais réussir à porter mon coup ou pas. J'ai aucune idée de est-ce que moi je vais m'en prendre un ou pas, quoi. On est dans l'incertitude et donc du coup il y a un vrai ouais, y a un vrai raccord, y a un vrai raccord avec le personnage à ce moment-là, quoi. Voilà. Et donc pour conclure, toujours cette notion d'intuitivité, de rapidité. En fait, si on veut, y a une notion de traitement d'entrée et traitement de sortie. Le traitement d'entrée, c'est tous les calculs que tu dois faire, les questions que tu dois poser, la série de propositions, validations que tu dois faire entre le moment où tu décides de faire une action et le moment où tu lances les dés. Ok, tu veux faire une action, attends, c'est quoi ton objectif? Non, tu donnes un coup d'épée, ouais, mais c'est quoi ton objectif? C'est pour réussir à faire quoi? Ok, alors attends, quelles compétences tu peux utiliser? Tu peux utiliser ça. Quelle arme tu utilises? Ah oui, du coup, ça apporte tel bonus. Est-ce que machin tête, ça apporte tel bonus, machin? Oui, alors, ah oui, mais alors, est-ce que l'adversaire est petit, grand, ça fait tel bonus, tel malus, tac, tac, tac, machin. On fait des calculs et au bout de 10 minutes, on sait que tu jettes 4 dés, difficulté 5, que tu vas en garder 3, machin. Plus il y a le dé rouge qui est le sens du vent, qui peut donner un effet chaotique, machin. Ça, c'est un problème de. On a un traitement d'entrée qui est vraiment long, quoi. Donc on perd, bah forcément tu perds du raccord, quoi. Et le traitement de sortie, qui est de, une fois qu'on a jeté les dés, comprendre le résultat. Ah ok, bah attends, là il faut que j'aille voir dans tel, bah par exemple dans Agone de Mathieu Gaboury, il y a une table des, y a une table des blessures quoi. Ok, alors t'as fait un jet de dés, on va voir tel, ça fait quoi comme blessure. Bon, dans Inforenza, il y a aussi quand même un traitement de sortie qui est important. Ok, alors attends, t'as fait des échecs, t'as fait deux échecs, t'as fait deux réussites et t'as fait une réussite, comment, une réussite excessive en face, la personne elle a fait, ton adversaire il a fait tant tant tant. Du coup qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, c'est, alors une fois qu'on a déterminé qui avait gagné, qui avait réussi, il faut encore qu'on redistribue les échecs, les réussites. Donc on a un traitement de sortie qui est quand même assez balèze quoi. Bah, pour tout dire, Inforenza, il y a presque tout faux dans les deux sens parce que il y a un traitement d'entrée aussi qui est pas mal. Bon, qu'on peut diminuer avec des techniques quoi, mais donc en fait quand je parle de complexité, c'est ça, c'est ton traitement d'entrée, ton traitement de sortie, à quel point ils sont longs quoi. Et donc si tu rallonges ton traitement d'entrée ou ton traitement de sortie, fais-le à nouveau pour de bonnes raisons. Donc, je répète, Inforenza, je l'ai fait pour de bonnes. Je pense l'avoir fait pour de bonnes raisons, et je pense qu'il est considérablement raccourci une fois que les joueuses elles ont un peu d'expérience du système. Même si moi-même, au bout de 100 parties, ça m'arrive encore de réfléchir quelques secondes, des fois sur notamment quand il y a des duels, sur l'issue d'un duel, quoi. C'est pas encore. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de. Je pense que je devrais pouvoir un peu simplifier sur Grogne. Notamment dans Grogne, ce que je vais faire, c'est que. Parce que le problème dans. Comment dans Grogne, ce que je vais faire, c'est la notion de. Un score chasse l'autre. C'est-à-dire que tu jettes un premier dé, ok, c'est un échec. Du coup, je vais en jeter un deuxième, je suis toujours en échec. J'en jetais un troisième. Ah bah, réussite excessive. En fait, la réussite excessive, une seule réussite excessive, va annuler tout le reste. C'est-à-dire que, ok, en fait, ça contamine. Du coup, j'ai trois réussites excessives. Ça va être un peu plus simple. Un peu plus simple qu'avant, quoi. Bon, voilà, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, hein, tout simplement. Et dernier truc, j'avais donné un exemple vertueux, hein, de pictogramme avec HeroQuest et les légendes de la garde, où les pictogrammes, c'était limite, enfin, c'était fait pour que un enfant puisse les comprendre. Alors même si vous êtes intelligent, que vous avez une capacité de manipuler du traitement d'entrée et de sortie lourd, avoir de la lecture directe, avoir de l'intuitivité, ça va aussi vous aider à accéder à l'émotion, parce que du coup, vous ne serez pas dans le calcul, vous serez dans l'émotion. Hein. Donc, encore une fois, hein, quand je dis de designer des jeux qui puissent être joués par des enfants, c'est pas uniquement pour jouer avec des enfants, c'est aussi pour jouer avec des adultes, pour jouer avec des personnes intelligentes, tout ça, mais pour jouer plus dans l'émotion et moins dans le calcul, quoi. Et donc le contre-exemple en fait, ou entre guillemets l'affordance ratée, je trouve, c'est le dernier Star Wars, hein, enfin il y en a plusieurs, hein, le réveil de la Force, aux frontières de l'en, aux frontières, et puis sinon un truc où on joue des rebelles là, enfin bref, tu joues des rebelles, des contrebandiers ou des Jedi. Et donc on a un système de jet de dés séparé avec des conséquences très fines. Bon là-dessus, encore une fois, avec Inforenza, j'ai fait à peu près le même type de truc, donc je suis ultra fan. Mais du coup ils se sont dit on va faire des pictogrammes. Alors, encore une fois, super. Pas de problème, des pictogrammes, c'est bien. Mais le problème c'est que les pictogrammes, sur les dés, ils ne veulent rien dire. Tu vois, tu pourrais mettre, je sais pas, des explosions, des cibles, ouais, par exemple, comment, des symboles qui veulent facilement dire que c'est raté, ceci, cela, genre une épée brisée pour un échec, ou je sais pas quoi. Mais en fait, dans Star Wars, ils ont mis des pictogrammes, c'est des espèces de symboles. Ça ressemble, moi ça m'évoque les symboles qu'on peut avoir effectivement sur les avions, les vaisseaux spatiaux dans Star Wars, quoi. C'est des symboles qui sont vraiment aliens, quoi. Tu comprends que c'est fait par des civilisations qui n'ont rien à voir avec les nôtres et tout. Mais du coup, les symboles, Tu ne comprends rien aux symboles, ils sont pas du tout intuitifs, quoi. Donc il faut te rappeler que l'espèce de zigouigouille, là, en fait, c'est une réussite excessive, que l'espèce de bidule machin chose, c'est un... Ah, c'est compliqué. Moi, je me rappelle une fois, j'avais fait un système où on jetait on tirait des jetons avec des runes nordiques. Bon bah c'est pareil, hein. Sauf si t'es vraiment très à fond dans la culture nordique, tu comprends la signification des runes. Au début, c'est chiant de comprendre la symbolique, parce que une rune nordique, c'est une lettre, enfin comment tu, qui a pas de signification visuelle, en tout cas pas pour nous, quoi. En fait, si on veut, pour tout dire, il faudrait des pictogrammes qui soient plus proches des hiéroglyphes que des runes, c'est-à-dire des choses que tu peux comprendre d'instinct. Et donc encore une fois, j'ai envie de dire, le meilleur test d'intuitivité, c'est jouer avec des personnes, des enfants ou autres, hein, qui ne savent pas calculer et qui ne savent pas lire. Ça veut dire que du coup, elles doivent comprendre le jet de dés juste avec le nombre de points sur le dé, hein, pour le D6, ou avec les pictogrammes. Et si vous y arrivez, vous avez décroché la timbale. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, hein, de qu'est-ce qu'on ressent quand on lance les dés. Bah, en tout cas, moi j'espère que vous ressentez du kiff, du gros kiff. Et puis je vous dis à la prochaine, hein, de bonne heure, de bonne humeur. Voilà, continuez à jouer comme des oufs, faites semblant d'être des elfes. Et puis je vous embrasse.